tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Oui, et bourrasse aujourd'hui. Un coup fort. Oups. Comeback, on apprend que Mylène Farmer donnera deux concerts à Bruxelles les 15 et 16 novembre 2013. Exactement, et l'info vient de tomber. Il semblerait que ces concerts soient sponsorisés par les rasoirs Wilkinson. Le président de la Syrie, Bachar al-Assad, aurait acheté 5 millions d'iPhone 5. Ouais, il les aurait achetés dans le but de les détruire, hein, dès qu'il a appris qu'il y avait l'application Siri. Non. Oh là là. C'est drôle, ça. Scandale au siège de l'ONU à New York pour la première intervention du président français, François Hollande. François Hollande s'était présenté totalement nu et trompé. Il a déclaré « Désolé, je pensais que l'ONU, c'était une boîte échangiste fréquentée par Strauss-Kahn. » Ah bah oui, du coup, il est invité. Cinéma, pour la sortie de son nouveau film, Oliver Stone a fait une étrange confidence. Ouais, Oliver Stone avoue qu'il est toujours défoncé, mais bon, c'est normal, hein, avec un nom comme le sien. Je m'étonne. Et pour terminer, si vous aimez DSK et les chauves-souris, regardez le nouveau Beatman. D'accord. Mickaël à la radio. Le replay. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio. 6h-9h30 sur Fun Radio. Bon, on va jouer au ni oui ni non, ni vous verrez bien. Le principe est très simple. Il faut discuter avec Aline pendant, pendant une semaine. Oh là là, quelle horreur. Pendant une minute. Il faut discuter avec Aline pendant une minute et tenter de ne pas dire et tenter de lui faire dire oui, non ou quoi. Bah, ou quoi, voilà, quoi. Tout simplement. Quoi. Donc voilà, ni oui, ni non, ni quoi, d'accord? Ok. Allez, Mehdi, compte sur toi, il y a un iPod à gagner, c'est parti, une minute maximum, bonne chance. Mehdi? Salut. Salut, ça va? Allô? C'est moi? Il t'entendait pas, c'était la faute de Vince. Ah d'accord. C'est bon maintenant. Tu m'entends? Oui. Et, bah voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'elle était en condition pour perdre. Ah ouais, bourrasse, pas dormi. Non, franchement, il y avait les moyens de gagner là, Mehdi. Hein. Bon, ben Mehdi, malheureusement, c'est perdu. Ouais. Bah ouais, c'est pas grave. Hein. T'as vu, en plus, t'as perdu. En plus, tu avais bossé. Enfin, une sale journée quoi. Journée, demain, quoi. Demain sera un meilleur jour. Peut-être, va savoir. Bon, ben Mehdi, passe une bonne journée quand même. Bon courage au boulot. Hein. Merci à vous aussi. Allez, merci. Salut. Ciao à toi, Mehdi. Bye bye. Bah, moi, ça va aller. Hein. Je vais aller faire du sport tout à l'heure avec Aline à 11h. Là. Ouais. Ah, on a rendez-vous pour aller faire du sport, n'est-ce pas? Exactement. Hein, c'est ça, ouais. Alors quand t'as dit ah mais moi j'annule, je vais dormir direct après l'émission. Je suis vrai du tout, je vais y aller. Ouais, mytho. Ouais, c'est ça. C'est le Becherel Game sur Fun Radio. Allez, 7h20. Oh, elle est mauvaise là. Là, tu l'as énervée. Attends, j'avais pas dit que c'était un secret d'État. Si tu m'as dit que c'était un secret d'État, je l'aurais pas dit. C'est de sa faute, pas de la mienne. Allez, Becherel Game, c'est parti maintenant. Donc, si vous êtes son prof, vous savez qu'elle va vous raconter des conneries tout à l'heure. Hein. Quelle enquête. J'ai piscine. Bon, allez. Derrière, c'est dégueulasse. Eh oui, oh, bon, tu as un peu excellent. J'ai dit, allez. Moi, je trouve ça excellent. Tous les matins, 6h-6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio, le réveil le plus sympa de la bande FM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Si vous trouvez plus sympa ailleurs, Fun Radio vous rembourse deux fois la différence. Fun. Allez hop, question existentielle, on va appeler à l'eau de l'insard maintenant. Mais question existentielle, c'est à base de quoi alors? À base de sourd et muet. Ah, sourd et muet. Sourd et muet. Sourd et muet, parce qu'ils ont l'accent portugais. Justement, c'était ça la question que je me posais. Non, moi je peux le faire parce que je suis portugais, toi tu peux pas. Ah, c'est ça. Et donc je me disais. Non, tu pouvais pas le faire. Si, vas-y, t'appelles. Et donc, je me disais peut-être dans quelle langue ils font les rêves. D'accord, ok, très bien. En même temps, c'est peut-être pas vraiment portugais, c'est vraiment quelque chose en bois là. Bon. Oh, je suis pas d'accord. Bon, allez, on appelle direction l'eau de l'Insard maintenant. Allez. Il parle comme ça. Allez hop, l'eau de l'Insard, c'est parti. Sassoun, c'est magnifique. Sassoun, Sassoun. J'adore l'eau de l'Insard. Allô. Oui, bonjour madame. C'est qui à l'appareil? C'est Toff à l'appareil. C'est qui? Toff. Vous avez tombé de nous mes hommes, monsieur? Non, pas du tout, je vous appelais pour vous poser une question.